Sur ma route j'ai tellement fait de choix qui font ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours gardé la foi, dans ce monde rien n'est gratuit. Dans ce monde rien n'est gratuit. Sur ma route, j'ai rencontré des gens bien, des gens simples, de confiance, mais aussi des loups et des chiens. J'ai rencontré des hommes de parole, aussi des langues de pute et ceux qui n'ont pas drôle. J'ai connu des déterres, des vénères et des gens drôles. Y'a ceux que je vénère, que je connais pas mais que j'adore. Exemple d'un idole, le nom c'est Mandela, le prénom c'est Nelson, mais tu connais déjà. Y'a ceux qui dans la vie sont là quand c'est pas rose, et d'autres qui te foutent dans la merde pour un rien, te laissent pour mort. Y'a ceux qui te réconfortent, ceux qui abusent de tes faiblesses, ceux qui veulent te monter dessus, mais ceux-là faut que tu les baises. Peu de gens restent à leur place, baissent les yeux devant le miroir. Y'a ceux qui payent leurs dettes et ceux qui crèvent pour un dollar. Dans mes amis j'ai vite fait le tri, n'écoute pas celui qui crie, souvent c'est que des blocs. Sur ma route, j'suis tombé sur un trésor, j'suis tombé sur un os. J'suis pas tombé en prison, j'ai pas pu rester gosse. J'ai peut-être grandi en 10 ans, j'ai jamais fait le boss. Perdre un ami de 10 ans, louper le coche. J'suis tombé sur des handis, j'écoute que mes proches. J'suis pas devenu un zombie, j'accepte les reproches. Et puis j'm'en suis sorti, j'ai pété les portes. Grâce à ma plume, ma famille et mes potes. Sur ma route, j'ai connu des amis qui sont partis trop tôt. Hommage à Merlin, Samir et Polo. J'ai vu une gosse opter pour un suicide. J'ai vu des proches rongés par les soucis. J'ai connu des filles être fortes après un viol. Des collègues partir en tôle après un vol. Un enfant de la DAS devenir un bon père. Faire tout pour une personne et au final te la mettre à l'envers. J'ai eu des amis qui se seraient tués pour moi. Depuis 90, un frère qui a toujours été là. J'ai eu des parents grâce à qui aujourd'hui je suis moi. J'ai eu la musique qui me permet d'être là. Sur ma route j'ai côtoyé la défaite et la victoire. J'ai eu des moments de doute et des moments d'espoir. Je me suis souvent senti incompris. Je me suis frotté à la mort. Alors maintenant je me raccroche à la sur ma route. Je suis tombé sur un trésor, je suis tombé sur un os. J'suis pas tombé en prison, j'ai pas pu rester gosse. J'ai peut-être grandi en 10 ans, j'ai jamais fait le boss. C'est un ami de 10 ans, louper le coche. J'suis tombé sur des handis, j'écoute que mes proches. J'suis pas devenu un zombie, j'accepte les reproches. Et puis j'm'en suis sorti, j'ai pété les portes. Grâce à ma plume, ma famille et mes potes.